Romains chapitre 2. C'est pourquoi, ô homme, qui que tu sois qui juge les autres, tu es sans excuse, car en ce que tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Or nous savons que le jugement de Dieu, est selon la vérité sur ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les commet, que tu doives échapper au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa douceur, et de sa patience, et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Mais par ta dureté, et par ton cœur qui est sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère, et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais il y aura de l'indignation et de la colère contre ceux qui sont contentieux, et qui se rebellent contre la vérité, et obéissent à l'injustice. Il y aura tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, du juif premièrement, puis aussi du grec. Mais gloire, honneur et paix à chacun qui fait le bien, au juif premièrement, puis aussi au grec. Parce que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Car tous ceux qui auront péché sans la loi, périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché en la loi, seront jugés par la loi. Parce que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui observent la loi, qui seront justifiés. Or, quand les gentils, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses qui sont de la loi, n'ayant point la loi, ils sont loi à eux-mêmes. Et ils montrent par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience leur rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant entre elles, ou aussi s'excusant. Tout, dis-je donc, seront jugés au jour que Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Voici, tu portes le nom de Juif, tu te reposes entièrement sur la loi, et tu te glorifies en Dieu. Tu connais sa volonté, et tu sais discerner ce qui est contraire, étant instruit par la loi. Et tu te crois être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Le docteur des ignorants, le maître des idiots, ayant le modèle de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu point toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit point dérober, tu dérobes. Toi qui dis qu'on ne doit point commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies en la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé, à cause de vous, parmi les gentils, comme il est écrit. Or, il est vrai que la circoncision est profitable, si tu gardes la loi, mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision devient prépuce. Mais si celui qui a le prépuce garde les ordonnances de la loi, son prépuce ne lui sera-t-il point réputé pour circoncision? Et si celui qui a naturellement le prépuce, accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi qui, dans la lettre et dans la circoncision, es transgresseur de la loi? Car celui-là n'est point juif, qui ne laisse que dehors, et celle-là n'est point la véritable circoncision, qui est faite par dehors en la chair. Mais celui-là est juif, qui laisse dedans, et la véritable circoncision, est celle qui est du cœur en esprit, et non pas dans la lettre, et la louange de ce juif n'est point des hommes, mais de Dieu.